8 et 9. Leçon 2, page 106. J'avais une collègue de bureau qui me plaisait beaucoup et tous les deux nous étions très complices. Elle avait une obsession de l'honnêteté. Elle me demandait toujours « Est-ce que tu dis tout à ta femme ? Je suis sûr que tu lui caches des choses. » Cette honnêteté me paraissait suspecte. J'ai décidé de lui envoyer tous les jours à 13h un texto très lyrique genre « L'amour est comme une maison ouverte sur l'océan du bonheur » ou « La passion est comme une cigarette qui se consume dans le vent ». Pas une seule fois, elle ne m'a parlé de ses textos amoureux. Un peu énervé, j'ai alors décidé de lui en envoyer un dernier très ironique qui disait « L'amour est comme une baguette que tu pourrais aller chercher pour le déjeuner avant de me donner quelques explications sur ton honnêteté ». En rentrant de déjeuner, son explication à elle, ça n'a pas été un texto, mais une bonne gifle. En parlant avec un copain, j'ai trouvé une technique infaillible pour draguer les filles, on va dire à la sauvage. Je leur dis « C'est fou ce que vous me rappelez ma cousine disparue ». Je ne sais pas pourquoi ça leur fait cet effet-là, ça les surprend un peu. Sous prétexte qu'on leur parle disparition de quelqu'un, elles sont émues, au point que ça suscite leur attention. De telle manière qu'il y a deux catégories, celles qui disent « Désolé » et celles qui demandent « Et à quoi elle ressemble, votre cousine ?» Là, je leur dis, très ému, « Elle est très belle, et je l'aimais beaucoup. » Alors vous imaginez la suite. J'étais en vacances à Miami, et un soir, je sors dans un club avec des amis. Là, un bel Américain me drague. Il est romantique à souhait. Et tout d'un coup, il me dit « Tu as essayé le sexe sur la plage ?» C'était tellement brutal que je lui ai répondu « Non mais pour qui tu te prends, espèce de ringard ? Pour un flic de Miami ?» Je le vois s'en aller, puis il revient, le sourire aux lèvres, et il me tend un verre avec une paille. « Ne sois pas fâché, Sex on the Beach, c'est seulement le nom d'un cocktail maison. » Je ne savais tellement pas de quelle manière m'en sortir que je me suis excusée au moins 10 fois.